France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Déligeorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Toujours, bien sûr, en direct du studio numéro 1, de la Maison Ronde, de la Maison de la Radio. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Peut-être troisième rendez-vous de ce nouvel horaire à 16h, tous les jours pour les rendez-vous de science, de culture science ainsi qu'est appelée la série. Aujourd'hui, je reçois Patrice Debré, qui vient de nous donner un livre qui s'appelle « L'homme microbiotique ». Patrice Debré est professeur d'immunologie et nous allons parler de certains animaux. Mais tout de suite, pour la liaison, on reste avec les animaux. Et la chronique donc animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens le paresseux. Plus exactement les paresseux, car ils sont 6 espèces, mais je m'arrête pourtant au paresseux à 3 doigts, le dit Bradypus tridactylus, exclusivement herbivore. Ce dernier, Bradype donc tridactyle, passe le plus clair de son temps dans la canopée. Accroché aux branches, en position dite du hamac, il mène une vie au ralenti où chaque calorie durement produite est économisée. Cette position a d'ailleurs entraîné de profondes modifications de la position de ses organes, du foie, de l'estomac. Cela pour répondre aux contraintes, bien sûr, de la gravité. Il dort une dizaine d'heures par jour et ne respire que 6 à 8 fois par minute. Son estomac s'est complexifié avec des diverticules qui lui permettent d'assimiler la cellulose et d'optimiser ainsi une nourriture pauvre en calories. Ce régime alimentaire explique que sa faible activité fait de lui un mammifère hautement spécialisé. D'ailleurs, son mode de vie à l'économie est sa meilleure stratégie de défense contre les prédateurs, que sont par exemple les aigles ou les jaguars. Il atteint la vitesse vertigineuse d'une dizaine de mètres par minute, ce qui curieusement lui permet d'échapper aux prédateurs, pour lesquels la chasse à vue est basée sur les mouvements vifs. Mais surtout, le Bradype est un véritable écosystème. Là, le mot symbiose prend toute sa dimension. Le paresseux entretient en effet des relations intimes avec de nombreux parasites. La nature étant économe, chacun y trouve son intérêt. La couleur verdâtre de sa longue fourrure est due à la présence d'algues vertes. Si ce pelage participe au camouflage du paresseux, les algues sont bien à l'abri dans les fentes et les craquelures des poils qui retiennent l'eau de pluie, absolument indispensable à leur survie. En plus de ces partenaires chlorophylliens, les poils sont colonisés par des acariens, des coléoptères, des lépidoptères, toute une faune qui produit des déchets azotés et qui aide les algues à proliférer. Le paresseux héberge également une prodigieuse population de mites qui sont des petits papillons qui trouvent un abri idéal dans sa fourrure. Lorsque le paresseux se lèche les poils pour se nettoyer, il absorbe ces algues et elles lui apportent une source d'énergie riche en lipides essentiels. Ces matières azotées servent aussi de nourriture à des champignons qui profitent à leur tour du pelage. C'est donc un véritable zoo suspendu qui vit accroché aux branches de la canopée. Avec son métabolisme hyper lent, le paresseux ne défèque qu'une seule fois par semaine. Seul des 6 espèces de paresseux, il descend donc au sol pour ses besoins. Cette opération descente et remontée brûle 10% de ses calories journalières. Il enterre ses volumineux excréments. Alors, il assure le cycle des matières azotées. Il fertilise son arbre hôte et permet l'éclosion d'une nouvelle génération de papillons qui remontent alors vers lui. Bonjour Patrice Debré. Bonjour. Bonjour à vos auditeurs. On leur transmet, bien sûr. Alors, est-ce qu'il vous a étonné parce que là, on va s'intéresser au microbiote interne, d'une certaine façon. Bien sûr, il y en a un certain nombre qui sont, on va dire, externes, bien sûr. Mais est-ce que vous avez un commentaire ? Les microbes, vous savez, nous vivons avec eux en équilibre, on va dire, relativement instable. Une bonne partie en nous, une bonne partie, une grande part à l'extérieur. D'un côté, des germes qui nous aident, des germes commensaux, et de l'autre, des germes qui entraînent des épidémies. Alors vous avez un aphorisme de Donne, enfin c'est moi qui le transforme en aphorisme, c'est vous qui avez écrit, de l'organe à l'organisme, aucun chemin ne saurait désormais ignorer celui qui passe par les microbes qui vivent en nous. Oui, l'homme est une chimère. Nous abordons là, je ne sais bien, d'étranges rivages quelque part. L'homme, ce roseau pensant qui tout d'un coup se transforme en un être avec d'un côté ces étrangers qui sont les microbes et puis de l'autre ses propres cellules. Cet ensemble est complexe. Mais c'est ça l'évolution. Eh oui. Patrice Debray, on peut peut-être se proposer, puisque ça ouvre votre livre, de se remémorer ce moment où d'un seul coup on va voir en acte. Et là je trouve que c'est très très étonnant. Votre père est ce peintre célèbre qui est Olivier Debray, avec ses grands formats. Et vous êtes tombé un jour sur, vous avez rencontré plutôt sur un tableau qui était sous un film un peu triste, un peu terne. Et une conservatrice a fait quelque chose qui correspond complètement à votre spécialité. Eh bien, elle nous a fait entrer dans le sujet. Comment débuter un livre sur le microbiote? Oui, après alors... tout, l'exercice n'est pas si simple. Et assez rapidement, j'ai eu envie de décrire cet épisode avec un peu de poésie, un peu de couleur et puis j'espère beaucoup de science. L'histoire est la suivante. C'est une jeune conservatrice qui cherchait une toile pour une exposition et qui tombe en arrêt. Nous étions alors en Touraine, dans un atelier de mon père, qui tombe en arrêt devant une toile qui était recouverte d'une espèce de substance un peu translucide et qui, par conséquent, nécessitait d'être arrangée, d'être restaurée. Et elle voulait l'emporter. Je lui ai dit, écoutez, non, cette toile doit rester sur place. Elle m'a dit, dans ces conditions, je reste. Et quand je suis revenu, 8 jours plus tard, la toile était complètement restaurée d'un rouge absolument magnifique. Ouais, c'était un carmin, hein, voilà. Alors qu'il était éteint. Éteint, et oui. Qui contrastait d'ailleurs avec la campagne environnante qui était elle-même recouverte de neige. Et je lui ai dit, mais comment vous avez fait ? Elle m'a dit, écoutez, je l'ai embrassé. Je dis, comment vous l'avez embrassé? Elle m'a dit, écoutez, oui, non, plus prosaïquement, je l'ai recouvert de ma salive. Et vous savez, m'a-t-elle dit, la salive est un des plus vieux procédés pour restaurer la couleur des toiles. Et derrière la salive, avec la salive, eh bien, nous trouvons tous ces produits qui proviennent du microbiote, et avant tout, puisqu'on en parle, du microbiote buccal. Oui, les bactéries ont agi. Absolument. Les bactéries nettoyeuses ont grignoté... le parasite, le film parasite, et hop, le carmin est sorti dans toute sa splendeur. Voilà, l'histoire nous introduit dans ce monde très étrange de ces, qu'est-ce qu'on va dire, micro-organismes qui Mais vivent oui. en nous. Alors ils sont nombreux, hein, c'est vraiment les pléthores, on peut dire tout de suite, 100 oui, milliards de bactéries dans 100, un gramme de sel. Non, 100 milliards. Plus de 500 espèces différentes dans le corps humain, mais peut-être ce qui est le plus étonnant, c'est que de savoir qu'il y a 10 fois plus de bactéries oui. que de cellules humaines, 10 fois plus, et que 99%, si vous faites de la génétique, ou plus exactement de la génomique, 99% des gènes de notre corps sont ceux des microbes. Nous sommes avant tout des microbes. Et lorsqu'on dit qu'on a, s'il faut là encore conserver les faits numériquement, c'est quoi ? 1 kilo, 1,5 kg de... Oui, 1,5 kg réparti... Qu'on a tous. Prend des espaces sur alors, 2 courts de tennis à peu près 400 mètres carrés qui représentent Incroyable. Donc la taille de nos intestins. Mais vous allez me retrouver partout, dans le trachée, les bronches, le vagin, la peau, tout ce qui est en les contact. Oreilles. Les oreilles, tout ce qui est en contact avec l'environnement extérieur. Et vous imaginez tous ceux qui rôdent autour de nous et qui peuvent à un moment donné avoir, qu'est-ce qu'on va dire, le plaisir, l'honneur, je ne sais pas, de rentrer en nous pour y faire ce magnifique travail de la commensalité. On peut dire, là, de façon générale, d'abord préciser que donc il y a maintenant des techniques modernes qui permettent, de façon extrêmement accélérée et très économique, par balayage, on peut dire, hein, ce que vous avez appelé génomique, d'avoir un procédé d'identification et donc de mise à jour de la nature de ces différentes et donc de leurs espèces, de ces différentes oui. bactéries en particulier. Effectivement, parce que la très grande difficulté est en fait la difficulté à pouvoir les cultiver, le procédé classique, on va dire. c'est-à-dire des bouillons de culture à la Pasteur, s'applique assez mal à ces bactéries de nos entrailles. Elles poussent très difficilement. Ce sont des germes qui ont l'habitude de vivre non seulement dans la plus grande obscurité, mais surtout sans air, et par conséquent, des germes dites anaérobies. On a du mal à les cultiver, et il a fallu attendre quelque part l'ère de la génomique pour arriver à travers les technologies de la biologie moléculaire à les identifier. Oui, c'est ce qu'on appelle en langage courant, là encore pour trouver un synonyme général, c'est de la flore intestinale par exemple. C'est de la flore intestinale, oui. Ouais. Mais maintenant ça s'appelle le microbiote. Alors, le microbiome aussi, vous l'avez dit, a une aire de absolument gigantesque, mais ça c'est la géométrie même des organes qui autorise ça, parce que c'est fait de replis, c'est fait de courbures. Oui, c'est énorme espace en fait, sur quelques mètres, mais avec des villosités qui permettent d'augmenter justement l'interface entre le microbe et puis les cellules de l'organe, c'est-à-dire de l'intestin. Pour fixer définitivement par un autre chiffre que vous donnez, hein, il y a 50 milliards de fois plus de bactéries que d'étoiles dans l'univers connu. 150 milliards de fois plus que d'êtres vivants sur la Terre. Oui. Encore une fois, on va dire bactéries partout. Enfin, bactéries partout. Des bactéries partout. Unicellulaires. Une bactérie parmi les autres aussi, peut-être. Prokaryote. Précision, importance. Oui, la différence, entre autres, c'est la notion du noyau, finalement. Quelque part, j'écris, c'est assez faux, parce qu'il y a quand même d'autres différences, mais une membrane suffit à faire la différence entre le prokaryote et l'eucaryote, et cette membrane est celle qui, autour du noyau, permet de conserver les chromosomes. Alors, vous parlez donc aussi des archébactéries. C'est-à-dire que voilà un autre partenaire, on l'appelle archée parce qu'on les a trouvées très... elles sont très anciennes et dans des milieux extrêmes. C'est ceux qui vivent dans les très grandes profondeurs ou bien dans les eaux sulfureuses extrêmement chaudes. Dans les centrales. C'est les bactéries les plus vieilles en fait, probablement celles qui ont été habituées à vivre avec nous depuis l'immensité du temps. Et ces bactéries, j'aime à dire qu'on les retrouve aussi dans les abysses très profondément enfouies. On en trouve dans des poissons et ils se servent, les poissons, de ces bactéries pour s'éclairer dans le grand noir. Alors on peut dire aussi, pour leur donner maintenant figure, elles sont mobiles, elles ont des cils vibratiles qui leur permettent de se déplacer. Oui, il faut se les représenter avec une sorte d'hélice, des flagelles en fait, qu'elles font tourner comme une sorte de rotor en fait, et puis elles inversent quand elles veulent changer de direction. Vous dites aussi dans votre livre que, alors qu'on imagine évidemment que ces prokaryotes-là se divisent et donc se reproduisent par scissiparité, d'une mère, deux filles et ainsi de suite, donc il y a une prolifération extrêmement rapide, mais alors là j'étais étonné aussi, il y a quand même de la sexualité. Oui, il y a de la sexualité dans tout ce qui concerne le vivant. Et il y a effectivement des bactéries mâles, des bactéries femelles et des procédés de recombinaison génétique, on va dire, avec donc des gènes qui s'introduisent de l'une à l'autre. Étonnant quand même, non ? Ça aussi. Mais c'est peut-être une des grandes histoires du vivant. Mais oui, toujours, toujours. Elles connaissent des mutations ? Elles ont différentes manières, effectivement, de changer et d'être... repris par la sélection darwinienne qui arrive à sélectionner certaines de leurs mutations qui leur permettent de survivre à des environnements très particuliers, dont celles justement qui se trouvent au fond au fond de nos territoires. Et sombres, sans lumière, souvent. Oui. Alors, vous indiquez qu'il y a mutation, vous venez de le dire, c'est la valse à trois temps habituelle. Le hasard et la nécessité. Mutation, on regarde si ça marche, est-ce que c'est viable, est-ce que ça peut passer le test de la nature de l'environnement, et si c'est une mutation positive, elle est conservée, et donc voilà la chose. Mais vous parlez aussi de transposition. Oui, ça, ce sont des gènes sauteurs, c'est-à-dire il y a plusieurs manières d'avoir des échanges génétiques. On a parlé de la sexualité, on a parlé de la mutation, on a des gènes qui sautent d'un endroit à l'autre. Et peut-être si on met en relation finalement ces mutations qui surviennent chez les bactéries et celles qui au cours du temps sont survenues chez l'homme, on peut imaginer que tout ça a vogué de concert. Est-ce que l'évolution, l'humanité, pour prendre des mots très larges, et des milliards d'années qui nous séparent depuis le début, ces forces de pression se sont probablement exercées sur l'ensemble. Et c'est cet ensemble, ce qu'on appelle d'un mot très, très complexe l'holobionte, mais finalement, cette association à la fois des bactéries et de l'homme qui a été sélectionnée au cours du temps. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Holobionte, le mot est jeté, moi je trouve que c'est là encore tout à fait étonnant. On peut préciser les choses, puisque holo, ça veut dire le tout, du bionte, quelque chose comme le vivant. Et là où vous donnez une information pour ceux qui ne connaissent pas la chose, qui est vraiment étonnante, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, il faut considérer qu'il n'y a pas seulement dans l'homme, pour prendre cet exemple, son patrimoine génétique, mais qu'il faut, puisque ce sont des commensaux permanents, que chacune de ces bactéries, voire champignons, voire virus, ont aussi leur sélection. Et leur dimension génétique. Oui. Donc en fait, c'est un complexe maintenant, c'est-à-dire qu'obligatoirement dans la génétique humaine, il y a de l'un et du multiple. Et il y a l'un. Donc évidemment les chromosomes qui appartiennent à l'homme, et puis il y a aussi tous ces auxiliaires permanents que nous nourrissons et qui nous aident et qui nous nourrissent. C'est le cœur de la biologie. J'avais, pour nous entraîner aussi vers la philosophie, j'avais repris un jour dans un de mes textes une phrase de Svetlana Alexievitch, qui est notre prix Nobel 2015, et qui disait, c'est elle qui parle, hein, j'ai toujours été curieuse de savoir combien il y avait d'humains en l'homme. Eh bien, combien il y a d'humains en l'homme, il faut y associer les bactéries. Eh oui. Là encore, quel étonnement, hein, parce que c'est à prendre au sens strict commensal, ces parasites-là. Donc il y a un mutualisme réciproque, très puissant, mais ces commensaux sont vraiment, se nourrissent de l'homme et le nourrissent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un partage, comme une division des tâches, d'un certain point de vue. Oui, c'est-à-dire qu'elles sont capables, ou ils sont capables, ces bactéries, en fait, d'envoyer des signaux à l'homme pour qu'il se mette à sécréter des sucres. Et d'ailleurs, en réalité, ils en reçoivent aussi beaucoup à travers les aliments. Quand je dis sucre, beaucoup de ces produits qui leur permettent de proliférer. Et inversement, ils nous rendent des services considérables, on va dire, dans deux grandes directions. D'une part, pour continuer de digérer une partie de nos aliments, et d'autre part pour un immunologiste comme je suis, c'est une chose extraordinaire, pour éduquer ou permettre d'éduquer le système immunitaire. Et oui, il y a évidemment un effet d'apprentissage qu'on verra un peu plus avant. En tout cas, il y a une chose que là encore qu'on peut retenir, c'est la prolixité invraisemblable, énorme de ces êtres vivants, de ces vivants-là. Ils se reproduisent. Vous dites à un moment que, au bout de 48 heures, une simple cellule, enfin une simple bactérie, pourrait être plus lourde que la Terre, ou en tout cas avec sa descendance. S'il n'y avait pas, heureusement d'autre part, des conditions, des contraintes, à leur prolifération, on arriverait à ce phénomène considérable. Mais nous voyons se reproduire à une petite échelle, finalement, d'une certaine manière, ce qui se passe dans l'environnement en général. Ces bactéries-là sont conditionnées, j'entends leur prolifération, leur division, leur mobilité, par tout l'environnement qui est autour d'elles. Oui. Et donc, pour reprendre celle du tube digestif, ça ne se passe pas de la même manière dans l'estomac et un peu plus loin dans l'intestin grêle, etc. Alors, dernier chiffre, là encore, pour leur donner visage. Vous avez calculé, ramené à la taille humaine, la vitesse de déplacement avec ce processus rotatoire des flagelles. 108 km/h. L'homme, lui, le plus rapide au monde, court à 34 km/h. Et vous les imaginez, elles sont véloces. Vous les imaginez grouillant, nous, en plus, avec le flux. Elles se déplacent, mais il y a aussi le flux, bien entendu, qui les entraîne, le flux de tous les liquides que nous sécrétons. Vous parlez d'ailleurs de fluidique. Là encore, peut-être un mot d'explication. Oui, ben, si nous entrons, allons-y par la porte d'entrée elle-même, c'est-à-dire par la salive, le premier fluide que ces bactéries rencontrent, c'est la salive elle-même. Et selon, si vous prenez un homme qui est envoyé dans l'espace, eh bien vous avez la salive qui est collée le long de ses dents, et les bactéries, on le sait à ce moment-là, vont former un biofilm autour de dents qui n'a rien à voir avec celui qui est sur Terre. Oui, et qui au bout d'un moment se minéralise. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la plaque dentaire. Oui, c'est des plaques dentaires. Alors, ben, vous avez installé la chose, on va commencer donc à raconter, maintenant d'une certaine manière, le voyage qui va tout simplement du baiser à l'anus. Du baiser au rectum. Oui, le baiser. Au fond, nous aurions pu commencer l'introduction, l'introduction de ces bactéries, soit par l'alimentation, par le baiser, mais le baiser est plus charmant. Et le French Kiss nous entraîne vers ce doux mélange qui est celui de plusieurs centaines d'espèces que nous passons de l'un à l'autre par cet intermédiaire. Il faut imaginer la bactérie qui rentre, qui va ensuite se trouver dans ce fluide qui est la salive et coloniser petit à petit à la fois nos langues, les lèvres, les joues. Et s'apponter, parce que c'est pour elle un pont formidable, s'apponter le long de nos dents. Alors, vous avez certaines bactéries qui s'y plaisent mieux que d'autres, bien sûr. Il y a aussi, il faut bien le dire, quelques substances qui essayent de sélectionner les meilleures, et en particulier d'éliminer les plus indésirables, que ce soit des anticorps ou autres, mais la salive est bien là. 320 espèces de bactéries dans la cavité buccale, et qui ont un rôle en particulier aussi de portier ou de surveillant, parce que elles regardent venir les bactéries pathogènes, et là ça se passe mal. Oui, elles représentent, au fond, elles occupent un territoire, tout simplement, ouais. et donc elles le défendent, et elles empêchent l'introduction de pathogènes étrangers. Elles vont d'ailleurs, certaines d'entre elles, permettre une sorte de vaccination pour en effet se protéger contre des organismes qui auraient été nocifs. Alors, on va introduire un autre type de microbe qui est celui du virus, qui nous en vient un tout petit peu de la bactérie, mais c'est, dit-on, un des moyens qu'on puisse être immunisé contre un de ces virus, qui est les cytomegalovirus, dont on sait bien, ou beaucoup de gens savent, qu'il est dangereux, en particulier pendant la grossesse. Bien sûr. Donc, il faut vraiment réaliser que lavez-vous bien les dents, et puis n'hésitez pas à faire des gros French kiss, parce que vous pouvez peut-être l'un des partenaires, immuniser, lui passer le moyen de s'immuniser contre quelque chose qu'il n'a pas lui. Donc, dans le baiser, il y a... Oui, enfin, il faut quand même nuancer, parce que le baiser ne contrôlera pas l'effet qu'a le vaccin, qui est un autre moyen extraordinairement utile de s'immuniser contre l'immunité. Certes, mais vous écrivez dans votre livre que, d'une certaine façon aussi, par le baiser, on se vaccine mutuellement. Oui, enfin, pour certains microbes. Mais c'est là où je dis que... malgré tout, une forme d'introduction du microbe et par conséquent d'induire des réponses immunitaires contre ce microbe, mais rien ne nous protégera mieux que le vaccin, je crois qu'il faut le rappeler. Bien sûr. Avec cette campagne en plus et avec cette maladie complotiste, là encore, trouve moyen de s'exprimer dans ce refus du vaccin, selon diverses raisons. Vous dites que c'est l'apanage des hominidés, le baiser. Oui, enfin, en tout cas, non, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a certaines populations comme les Tonga pour lesquelles c'est quelque chose qui est au contraire mais défendu. Non, par contre, ce qui est un apanage des hominidés, c'est, puisqu'on le sait depuis très longtemps, le microbiote, le type de microbiote que nous avons en nous existe depuis l'homme de Néandertal, plus ou moins. Oui. Et là encore, il y a on pourrait raconter toute une histoire qui est là-dessus. En tout cas, on peut se poser la question de savoir si nos plus proches cousins, d'une certaine façon, et qui sont très très sociaux, les bonobos bien sûr, eux aussi se font des gros bisous. Eh bien, on sait que les microbiotes du... Alors le gonongo, je ne sais pas, le bonobo, je ne sais pas, mais le chimpanzé, en tout cas, un microbiote qui est très proche de l'homme, comme si quelque part les primates avaient partagé des microbes. Et il y a un ancêtre commun, bien évidemment. Alors ensuite, ces chutes brutales, vous dites que... Et peut-être pour revenir là-dessus, on trouve assez curieusement chez les félins, des microbes assez proches de ce qu'on trouve chez l'homme, et une des théories possibles est qu'en fait, ce sont nos malheureux ancêtres qui auraient été mangés à l'époque par les félins et qui les auraient contaminés avec leurs microbes, comme quoi on voit une recirculation finalement des bactéries d'un monde à l'autre. Incroyable. Bactéries dans la charogne, elle-même qui commence à être mangée par homo quelque chose, et hop, qui se fait croquer par un lion. Voilà. Et dans ce cas-là, alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on va continuer, bien sûr, on est dans notre voyage, de la bouche à l'anus, du baiser au rectum. Vous dites que l'estomac est un désert. Oui, alors, embarqué, on va le dire comme ça, par ce fluide qui est la salive, et avec ce mucus, c'est entraîné vers l'estomac. L'estomac est extrêmement acide et tue beaucoup de bactéries et en sélectionne certaines au passage, dont une des plus célèbres qui s'appelle Helicobacter. Je ne voudrais pas que ça complique la discussion, mais Hélico, vous retrouvez l'hélice, et donc ce sont des bactéries qui se déplacent très vite et qui ont comme particularité de tirer de l'énergie, et donc elles s'en servent finalement de l'hydrogène, exactement de l'acide qui se trouve dans l'estomac, et qui sont la cause, et ça c'est une découverte les plus importantes, ça a fait l'objet du prix Nobel 2005, et qui sont la cause de nos ulcères. Ulcères, maladies infectieuses, point d'interrogation, en tout cas liées à des bactéries. Oui, très fortement même, puisque c'est une manière maintenant de thérapeutique qui a beaucoup de succès. Absolument. Enfin, il faut savoir que l'hélicobactère se trouve dans à peu près 50% des hommes et que par conséquent, oui, c'est une des causes, mais il y a d'autres facteurs environnementaux ou d'autres qui sont utiles. Il a un aspect rigolo, cet hélicobactère, parce que justement, il se déplace avec malice comme un hélico, il change de sens. Il repart, il file à droite et hop, il file à gauche d'une certaine façon. Mais surtout, il est à l'origine d'un certain nombre de modifications métaboliques. Ce sont eux qui sont la cause de ces ulcères dont nous parlions, ulcères de l'estomac. Qu'est-ce qu'il advient ensuite dans ce voyage? Alors, les appelle Helicobacter pylori. Pylori, c'est l'entrée, si vous voulez, dans le tube digestif, le gardien du temple. Et le pylore, on les fait descendre après dans la suite. La suite, vous allez successivement trouver le duodenum, puis le jejunum et puis l'éluon. Alors, au fur et à mesure, les populations de bactéries ne sont pas tout à fait les mêmes, ni en quantité, ni en qualité. Et dans le jejunum est un mot qui vient de jeûne, et qui au fond indique qu'il n'y a pratiquement pas de matière. Du jejunum, on passe aux deux endroits où il y a le plus de bactéries, qui sont le jejunum d'abord, l'iléon d'abord, et le côlon ensuite. Et là, nous allons trouver nos 100 000 milliards ou proches de bactéries. Sur 6 mètres de long, avec toutes les villosités qu'on a décrites tout à l'heure, et pour le côlon, sur à peu près un peu plus d'un mètre. Oui. Et donc, il y a des sous-parties, d'ailleurs, parce que ces mots ne sont pas fréquents, hein, ceux qui ne sont pas évidemment informés de l'anatomie humaine. Oui, tout humaine le monde n'a pas fait ces longues études de médecine confrontées à l'anatomie, ces descriptions successives de ces tissus. C'est pas facile, mais, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Mais elles ont chacune leur importance, en particulier pour la digestion des aliments. Alors, vous dites évidemment qu'une fois qu'on a mesuré, si on mesure tout l'intestin grêle, donc qui est formé de trois parties, il mesure 6 mètres chez l'homme, dites-vous. C'est oui, 6 mètres. 6 mètres. Là encore, économie d'espace, hein, et de. Ouais. Incroyable. Ah oui, c'est absolument, mais l'un s'est aidé à l'autre, et vous savez que pour parler simplement de ce que l'intestin peut faire pour les bactéries, non pas ce que les bactéries peuvent faire pour l'intestin, on va y revenir sans doute, les bactéries en fait sont capables d'envoyer des signaux aux cellules de l'intestin pour que ceux-ci sécrètent des sucres qui après leur servent pour proliférer. Vous voyez, ils se fabriquent au fond eux-mêmes leur propre bouillon de culture. Génial. Oui. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Quelle est la prochaine station que nous allons rencontrer dans ce voyage? Une fois qu'on va sortir de l'intestin grêle et ses trois parties. Alors, on n'a pas parlé, il faut comment dire un tout petit mot, c'est toutes ces gaz qui sont produites, c'est que ça fermente tout ça dans l'intestin, oui. Et on envoie toutes sortes de gaz, chacun n'a pas forcément les mêmes, que ce soit du méthane, de l'acide sulfurique, de l'hydrogène, etc. Et donc, il faut imaginer tous ces petits microbes flottant au milieu de ce mucus, se laissant porter par le flot, au contraire donnant un petit cours d'hélice pour se rapprocher de la paroi intestinale, et avec une gentille putréfaction jusqu'à arriver finalement à l'orifice terminal. Ouais, et à donner les excréments, les fesses, les selles, il y a plusieurs synonymes. Alors, peut-être une définition d'ailleurs de ce mot de lumière, parce que grosso modo ce tube est formé comment? Oui, c'est assez curieux parce qu'il fait tout noir, bien entendu. Mais oui. En tout cas, c'est un espace un peu plus libre. Et puis, puisque vous avez prononcé le mot sel, peut-on dire que, je ne sais pas si tout le monde sait, mais quand on dit comment allez-vous, en réalité, c'est comment allez-vous à la selle. La deuxième partie a été abandonnée depuis longtemps, et les Chinois ont l'habitude d'être différents, et eux, ils reviennent à l'orifice et ils disent comment avez-vous mangé. Vous voyez, donc nous avons deux manières, soit par le haut, soit par le bas, de pouvoir témoigner notre amitié. Et à l'occasion aussi, on voit, parce que vous parlez très tôt, avant l'anecdote justement de cette salive qui va nettoyer la peinture de votre père, vous parlez très tôt de Louis XIV, de son médecin qui observe donc... Alors il y avait beaucoup, on leur faisait beaucoup de... De lavement, absolument. Vous savez qu'on vivait à l'époque avec la culture des excréments, qui a quand même considérablement changé, avec nos grands principes d'hygiène, à juste titre d'ailleurs. Mais quand même, connaître ce qui a été finalement un des fondements des sociétés à certaines époques est un point important. Un petit mot, juste, on est étonné et on constate que rien n'est simple. Et si on prend la question de l'alimentation, puis de la digestion alimentaire, donc de la manière de se procurer de l'énergie, si on pense à la vache... C'est là encore aussi un univers avec un microbiote invraisemblable et un appareil digestif, alors qu'il lui est encore plus compliqué. Encore plus compliqué, mais finalement... Avec le rumen, avec... Finalement, vous allez me dire à quoi servent ces bactéries. Elles vivent avec nous, elles se contentent des sucres et de l'alimentation qu'elles reçoivent. À quoi servent-elles? Eh bien, elles ont toute une série, bien sûr, d'intérêt, mais elles ont deux fonctions principales, l'une qui ont trait à la digestion et l'autre qui ont trait à l'éducation du système immunitaire. Alors, sur la digestion, elles ne digèrent pas tout et n'importe quoi. Et elles ont en particulier une fonction pour la digestion des sucres, non pas ce qu'on appelle les sucres à digestion rapide, qui sont donc traités par des enzymes sécrétées par le corps humain, mais elles ont une fonction de digestion de l'amidon, substance particulière, et également de ce qu'on appelle les fibres alimentaires, qui sont des fibres qui entourent tout un certain nombre des sucres, des lacis de sucre qui entourent les fruits. Et bien voilà, passé le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, totalement dévolu au microbiote. Et ça a d'ailleurs été l'occasion à Thierry Beauchamp de faire une rectification. Donc je m'auto-corrige immédiatement, parce qu'après vérification, le paresseux tridactyle dort beaucoup plus que je ne l'ai dit, non pas 10 heures, mais semble-t-il 15, voire jusqu'à 18 heures. Cette rectification faite, nous sommes toujours en compagnie de Patrice Debray, toujours autour et avec son livre L'homme microbiotique, et nous allons quitter l'intestin grêle et arriver maintenant à notre prochaine section du parcours de la bouche à l'anus, et l'on rentre cette fois dans le côlon. Alors là, c'est l'envahissement. Oui, donc là, nous multiplions encore le bactéries. On peut dire qu'à peu près 50% des mastières, en fait, sont faites de bactéries. Vous savez d'ailleurs que les bactéries réutilisent leurs propres morts. Elles naissent et meurent, et pour les compagnes avoisinantes, la mort des unes est utile puisqu'elle leur permet de proliférer aussi. Oui. Quelque part, l'énergie se retrouve. Et là, c'est encore sombre. Ça fait à peu près 1,80 m de longueur. Hein. Tout à fait. Et que se passe-t-il? Parce que où est-ce que les nutriments, les aliments, les vitamines ont été absorbés? Tout ceci, surtout au niveau de l'intestin grêle, tout ceci donc s'est fait progressivement. Et donc il y a eu cette fonction de digestion. Je parlais tout à l'heure donc des sucres. Et il faut savoir que grâce à eux, grâce à ces bactéries, nous sommes capables de couper, de transformer en énergie des espèces considérables de sucre, et en particulier ceux qui viennent du lait maternel, pour prendre quelque chose que nous connaissons bien, et qui fait que s'il n'y avait pas ces bactéries, s'il n'y avait pas les enzymes qu'elles ont, nous ne serions probablement pas capables de transformer en énergie toute une bonne série des sucres qui nous entourent. Mais pas seulement, oui. Les protides aussi, et la production de vitamines, dont la vitamine K. Oui. Petite parenthèse, Patrice Debray, vous dites que le fœtus, peut-être à l'écoute de la voix de sa maman, lorsque celle-ci donc est en train de le fabriquer, le moment du développement, mais on a parlé tout à l'heure des flatulences, hein, des gaz, des vents, et vous dites que c'est plutôt la fanfare des vents et des flatulences. Oui, il entend donc c'est du microbiote, ces émissions de gaz. Mais le fœtus est stérile d'ailleurs. S'il y a bien un moment où l'homme vit sans ses bactéries, c'est en position fœtale. Oui. Les bactéries, ensuite, au moment de l'accouchement, et qui n'est pas d'ailleurs la même manière selon qu'on accouche par voie basse ou par césarienne, colonisent le tube digestif. Et ça, d'ailleurs, ça amène à penser immédiatement aussi que, en particulier, donc, les fesses, bon, il y a un certain nombre d'animaux qui réingurgitent leurs fesses, les petits de certains animaux. Et, ou alors le lapin, alors c'est un mot savant, ça s'appelle la sécotrophie, c'est pas simplement manger l'excrément, mais c'est un excrément spécial. Et les lapins ont une double digestion. C'est là encore curiosité de la nature, mais on voit très bien que pour assurer la population du microbiote, il y a des tas de tactiques et de stratégies. Oui, science, préscience ou finalement expérimentation acquis au cours de l'évolution, tous les moyens sont bons pour avoir des microbes en soi. Mmh. L'homme a trouvé le sien finalement à travers l'accouchement, mais il y a d'autres moyens possibles que la nature a su créer, faire ou apprendre avec les animaux. Alors j'ai découvert l'explication de scatologique qui vient d'un gaz. Qui vient dans les gaz, oui, scatos, oui, tout à fait. Parmi les gaz dont on parlait tout à l'heure, il y a celui-là. Et puis je parlerai aussi de ces gaz d'œufs pourris qui sont, oui. et bien l'émission de gaz sulfureux. Oui. Et de méthane, puisque vous parliez des vaches tout à l'heure, il faut savoir qu'une bonne là, production considérable de méthane se fait par les vaches, qui, je le rappelle, ont quand même des gaz à effet de serre. Et oui, bien sûr. Et là, on les pointe du doigt, si je puis dire, en particulier dans les élevages immenses qu'il y a aux États-Unis ou surtout en Australie, et qui sont une des sources de méthane, mais qui se dégradent un peu plus vite dans l'atmosphère que d'autres composants qui sont donc cause du réchauffement. Oui, tout à fait. C'est là encore vraiment étonnant que cette flore intestinale qui participe qui est une des causes. Oui. Alors. Nous avons parlé au cours de ce trajet de ce que les microbes pouvaient faire pour la digestion de nos aliments et par conséquent pour l'énergie, aussi bien pour elles que pour nous, hein, dans une espèce de partage assez fabuleux entre ce qui leur sert et ce qui nous sert. Mais il y a un point peut-être dont il faudrait, me semble-t-il, parler, qui est celui de l'éducation du système immunitaire. On y arrive. Voilà. On y arrive, bien sûr. Il faut commencer par la chose suivante, vous l'avez déjà dit, Patrice Debray, c'est que le jeune enfant, quand il naît, d'ailleurs tous les jeunes animaux, sont absolument vides, bactéries en tout cas. Sont faits de bactéries, alors petit à petit, donc vous avez différentes flores qui arrivent et qui surnagent les unes après les autres, surnager au fond quelque part, ou nager tout simplement. Surnager parce que selon qu'il y a ou qu'il n'y a pas d'oxygène, selon que vous êtes à la surface ou à l'intérieur, on ne trouve pas tout à fait les mêmes populations de bactéries. Pour arriver donc à cette flore extraordinaire que nous avons un peu plus tard à l'âge adulte, mais ce jeune enfant qui naît va s'enrichir aussi avec le lait de la mère, avec les baisers, avec les attouchements, avec l'environnement. Bref, il va apprendre à connaître ce qui nous entoure, c'est-à-dire le monde des bactéries. Oui. Et on peut constater cette chose là encore très singulière qui montre que justement tous les individus sont singuliers. C'est que grosso modo tous les hommes partagent à peu près, en tout cas ils ont un type de microbiote en commun, mais qu'il y a des singularités individuelles. Oui, il y a à peu près un tiers de... C'est étonnant, là encore. Un tiers de flore commune, et puis le reste singulier. Étonnant, oui et non. Heureusement que nous sommes tous différents les uns des autres. Oui. Et selon que nous habitons en certaines régions, nous avons probablement pas, encore que c'est encore relativement peu étudié, des microbiotes strictement identiques. D'ailleurs, nous ne nous alimentons pas non plus de la même manière. Oui. En tout cas, on partage avec les éléphants, j'ai noté ça aussi, que... L'intelligence, c'est ce que je disais, certes, oui. Mais ce qui était... Oui, mais ce qui est le plus étonnant à vous lire, c'est d'apprendre que nous partageons avec donc les pachydermes une grande richesse d'un certain acide qui s'appelle l'acide sialique. Ouais. C'est un composé sucré. Et qui a une relation avec la mémoire. Oui, c'est pour ça que je faisais allusion à cette intelligence, à cette formule. Oui. Enfin bon, la mémoire n'est pas non plus l'intelligence, mais disons que disons enfin une partie. Mais disons, mais ça nous entraînerait très loin. Oui. Mais disons que c'est assez fascinant de voir que il y a certaines communautés qui sont partagées avec des animaux et qu'on peut les relier donc à certaines qualités fonctionnelles. Ça serait presque une question de conclusion, mais ça sera pas du tout une question de conclusion, c'est simplement pour marquer à nouveau. Est-ce qu'on peut considérer que c'est avec cette génomique que on s'est rendu compte de l'incroyable réalité, importance du microbiote? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est la technique qui a permis, parce que c'est très long d'analyser, surtout qu'en plus, vous dites que ces bactéries ne se reproduisent pas facilement, très peu même. Oui. Hein, on peut pas en faire des colonies. Vous avez raison. À l'extérieur du corps. Il y a plusieurs freins qui nous conduisent à réfléchir, savoir pourquoi est-ce qu'au fond, aujourd'hui, c'est sous les feux de la rampe, en tout cas de la part des scientifiques, alors que le phénomène est connu quand même depuis un certain temps, on va dire depuis la moitié du 19e, et presque même sans doute depuis les écrits de Pasteur et de ses successeurs. Il y a plusieurs freins à ça. Le premier, bien sûr, il est tout simplement technique, la difficulté de culture, les bouillons de culture, etc. Mais ça n'est pas que ça. Il y a aussi une vraie vision sociétale, et en particulier le fait que pendant très longtemps, l'homme a cru qu'il ne pouvait, il ne fallait vivre qu'à travers un monde stérile. Les microbes sont méchants, on a fait d'eux des êtres absolument délétères et nuisibles, et il faut s'en débarrasser. Et c'est vrai d'une certaine manière. Oui. Les épidémies comme celle récente d'Ebola nous l'apprennent. Oui. Tous les jours encore, nous avons de nouvelles épidémies. C'est vrai, 14 millions par an d'hommes qui meurent des maladies infectieuses, et en même temps, nous avons impérativement besoin de ces microbes, et c'est probablement cet équilibre qui fait aujourd'hui la problématique la plus extraordinaire pour les scientifiques, de comprendre pourquoi et comment s'établit cet équilibre. Oui. Et jusqu'où faut-il aller. Et des mucus en particulier, donc vis-à-vis, là c'est reporté à la question de l'hygiène, il faut pas trop se laver d'une certaine façon, et en particulier il y a certains mucus de certains organes qu'il faut un peu laisser en paix, et pas en tout cas aseptiser de manière telle que, au contraire, ça ouvre là la porte au danger, parce oui, que les gardiens bactériens sont là. Il y a une relation assez curieuse entre certains principes hygiénique appliqué à leur maximum, on va dire, dans les régions les plus nordiques, voire aux États-Unis, et en même temps l'apparition d'un certain nombre de maladies contre lesquelles sont protégés des pays qui sont plus soumis à un environnement microbiologique différent, tel particulièrement l'Afrique. Donc autrement dit, cette différence de gradient impose de se poser des questions sur l'hygiène. Pourquoi et jusqu'où faut-il appliquer cette hygiène, qui est bien sûr indispensable, mais trop d'hygiène quelque part nuit probablement aussi. Oui. C'est en tout cas une des considérations donc qu'il faut préserver d'une certaine manière. Alors ça veut dire quoi? Une douche tous les jours, alors surtout pas l'eau de Javel, hein, en particulier, il faut, parce que là encore on a un microbiote sur la peau, dans les oreilles, tout ça est aussi protégé par des microbiotes particuliers. Je crois que si mon plaidoyer se dire il faut protéger le microbiote, ça n'est pas dire qu'il ne faut pas prendre non plus des précautions d'hygiène, puisqu'on bien a sûr, toutes les mesures de prévention pour l'hygiène pathogène. Mais je pense que ça impose de mieux comprendre ce que sont les bons microbes, ces fameux microbes commensaux dont nous parlons aujourd'hui, et au contraire, pourquoi et comment prolifèrent les méchants, et de quelle manière est-ce que nous pouvons mettre en place des mesures de prévention. Par conséquent, une hygiène adaptée. Oui. Est-ce qu'on peut dire juste un mot avant de passer à un sujet encore, là encore, extraordinairement étonnant pour le profane, qui est l'axe réciproque cerveau et transit intestinal. Dans quel cas le microbiote est pathogène lui-même? Est-ce que, puisque vous consacrez une partie, les menaces que vous intitulez... Ce que les médecins dont je suis commencent à entrevoir, c'est les relations entre le microbiote, je dis bien relation, entre le microbiote et un certain nombre de pathologies humaines. On va les citer dans le désordre et puis on reviendra sur celles que vous voulez, qui sont l'obésité, un certain type de cancer, en particulier le cancer digestif, un certain nombre de maladies auto-immunes, relativement larges d'ailleurs, et comprenant peut-être derrière l'allergie, et puis les problèmes de relation avec le comportement et probablement un certain nombre d'anomalies psychiatriques. Alors là, oui, c'est le. Alors là, c'est le. C'est la grande question, mais vous savez qu'il faut plonger aujourd'hui dans la psychiatrie pour en faire des maladies organiques, et le microbiote est très probablement une des portes d'entrée. Alors, pourquoi? D'abord, il faut savoir qu'il y a des relations connues entre le tube digestif et le cerveau, au moins deux d'entre elles. La sérotonine, peut-être vos auditeurs en entendent pas parler, c'est un neuromédiateur intestinal. 95% de la sérotonine, donc qui agit sur le cerveau, est produit par l'intestin. Puis vous avez un nombre considérable de neurones. Et on peut dire qu'après tout, s'il n'y avait pas ces neurones, eh bien, je pense que le cerveau passerait son temps à être utilisé pour la digestion. Donc, de très nombreux neurones, et en particulier, il y a une information qui est transmise par un nerf qui s'appelle le nerf vague, un mot d'ailleurs tout à fait joli, qui conduit des informations à l'hypothalamus et à l'amygdale, et à un certain nombre d'activités dites sensitives, ou tout du moins des relations émotionnelles. Donc, au-delà de ces relations comportementales ou compartimentales, c'est-à-dire qui réunissent le cerveau à l'intestin, qu'est-ce qui nous fait dire aujourd'hui que le microbiote rentre en cause? Tout d'abord, il y a des observations. Par exemple, des souris. Alors, on va se placer d'abord dans l'expérimentation animale, puisque c'est elle quand même qui nous guide, nous autres scientifiques. Les souris qui sont nées par césarienne ont des comportements qui sont différents, en fait, de celles qui naissent par voie basse. Et on pense que c'est des souris qui sont plus anxieuses, qui ont plus volontiers des troubles. La deuxième, on va avancer peut-être dans ce qui nous met sur des pistes, c'est que si on provoque une ablation du bulbe olfactif, dont je disais tout à l'heure qu'elle pouvait avoir un lien avec elles sont connues pour avoir des liens avec nos activités comportementales, eh bien, on entraîne une modification du microbiote. Voilà donc quelque chose d'extraordinaire. Vous intervenez dans le cerveau et vous avez une modification du microbiote. Et puis, on arrive aux expériences qui sont peut-être les plus déterminantes et, à mon avis, les plus extraordinaires. Prenez deux races de souris, l'une qui est anxieuse, on les a élevées pour être anxieuses, à répondre rapidement au stress, etc. Et l'autre, au contraire, qui est beaucoup plus calme et tranquille. Vous prenez le microbiote des souris anxieuses et vous les transplantez aux souris tranquilles et vous transformez complètement le comportement émotionnel de celles-là et vous les rendez à leur tour extraordinairement anxieuses et sensibles au stress. Qu'est-ce qui s'est passé? Le microbiote est passé de l'un à l'autre. Et si, comme ces petites souris sont coprophages, et si elles mangent les selles de leur partenaire, si vous mélangez les deux populations, eh bien tout le monde devient anxieux. Et vous voyez comme tout quoi... Tout le monde devient anxieux. Vous voyez comme quoi on peut intervenir par le microbiote sur le comportement. Alors il y a des équipes, bien sûr, par exemple celle de Jean-Marie Liédeau, qui est à Pasteur, avec d'autres équipes en collaboration, qui justement essayent, entre autres, de préciser, de regarder dans des processus expérimentaux difficiles, mais de chercher une étiologie de l'autisme dans ou un certain nombre de pathologies mentales qui seraient, mais alors alors là, vraiment lié à ce microbiote qui est formé de ces populations qu'on a vues là. Hein. Quand on dit lié, vous avez ce qu'on appelle des corrélations, c'est-à-dire vous observez deux phénomènes et vous montrez qu'ils sont liés l'un avec l'autre, ce qui ne veut pas dire que c'est des relations de cause à effet. Et quand on va chercher des relations de cause à effet, pour les médecins, le médecin que je suis, c'est aussi derrière envisager des traitements potentiels. Pourra-t-on un jour, en ingérant des petites bactéries, arriver à modifier nos comportements? Une question. Oui. Alors, une autre question aussi, est-ce que... parce qu'on pourrait faire une émission entière sur c'est absolument révolutionnaire. On peut dire d'ailleurs que, à l'instar de l'épigénétique, qui est un des grands moments révolutionnaires de la biologie et de la génétique, vos affaires de microbiote sont, à l'instar de cette épigénétique, un grand moment aussi de découverte. Donc, pour rechercher les causes qui viendraient du microbiote pour donc des pathologies mentales, on tombe ensuite sur quelque chose qui est très étonnant, puisque, je vais le dire de la façon la plus crue, on peut aussi trouver des thérapies en utilisant la merde. Oui, alors, avant d'arriver à une nouvelle forme de transplantation, enfin, quand je dis nouvelle, elle existe depuis des milliers d'années chez les Chinois, c'est la transplantation fécale, mais c'est quand même une nouvelle forme de transplantation, avec aujourd'hui des possibilités d'avoir des donneurs, des receveurs, etc. Il y a d'autres moyens d'intervention qui sont... finalement, les probiotiques, c'est-à-dire manger les bactéries elles-mêmes, et puis des prébiotiques qui sont des sucres. On voit et on entrevoit à travers finalement une meilleure connaissance du microbiote et de tous les aspects scientifiques, philosophiques et sociologiques qui sont derrière. On voit poindre, bien sûr, des travaux considérables en physiopathologie, c'est-à-dire comprendre quelles sont les relations qui peuvent exister entre ces deux mondes, l'homme, les cellules stricto sensu humaines et celles qui viennent de nos bactéries, et de quelle manière ils sont capables de créer ensemble du bien, mais aussi une pathologie intérieure ou des pathologies intérieures, et puis des espoirs thérapeutiques, donc ceux de la transplantation fécale. Oui. En tout cas, petit retour historique, et là encore, on peut apprendre à vous lire que il y avait une boisson qui était dans la civilisation chinoise, et donc dans sa pharmacopée, une espèce de petit bouillon à belle couleur. Oui, une jolie soupe mordorée avec des éclats de jaune absolument magnifiques et que les écrits chinois donnaient pour les meilleurs traitements d'un certain nombre de maladies, dont bien sûr les diarrhées elles-mêmes. Oui, et c'est, de toute façon, ça a dû être utilisé dans beaucoup de sociétés, l'utilisation comme l'urine. Si on remonte au Moyen-Âge, en fait, beaucoup de la pharmacopée était à base de... Une partie était à base d'excréments, déjà. De matière fécale. De matière fécale. Oui. Alors, cette transplantation fécale... elle a commencé, elle existe déjà. Elle existe. Il y a un certain nombre de maladies à des germes, dont un particulier qui porte un nom qui s'appelle Clostridium difficile. Il faut retenir le deuxième. Difficile, ça veut dire qu'on a de la difficulté à le traiter, et qui bénéficie certainement de ce type de traitement. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'expérimentations contrôlées, parce que bien entendu, il faut les contrôler contre d'autres choses pour être sûr que ce n'est pas le phénomène du hasard. Prouvant que l'ingestion de microbiote par transplantation fécale peut être utile. Mais il y a eu un épisode assez curieux qui s'est passé, écoutez de mémoire, c'était en février dernier, où une femme qui avait donné ses selles par transplantation et qui était elle-même obèse, a induit chez la personne qui l'a reçue, vous voyez qu'on en revient à l'expérimentation, a induit un cas d'obésité et qu'on a attribué cela à la prise du microbiote, d'où toutes les attentions particulières pour ces nouvelles formes de transplantation, comme celles que l'on fait aujourd'hui pour les autres donneurs et receveurs, que sont les transplantations du rein, du cœur, etc. Exactement. Donc, des donneurs donc de matière fécale pour soigner. Mais est-ce qu'on peut dire, en particulier de l'obésité, que maintenant on est dans la compréhension de l'étiologie de l'obésité? Non, mais on en... est... Non, je vous interromps parce qu'on ne peut pas dire. Mais on peut dire qu'on commence à trouver énormément de facteurs qui relient l'obésité au microbiote. D'ailleurs, les obèses n'ont pas les mêmes microbiotes que ceux qui sont, qui sont obèses. On est capable, par transplantation, de pouvoir induire, je vous rappelais le cas chez l'homme, qui est un cas unique, mais chez l'animal, de nombreuses expériences montrent qu'on peut induire l'obésité avec une transplantation de microbiote de sujets obèses. Et puis, on va circuler des petites bactéries dans les cas d'expérimentation murine qui vont aller dans la graisse. Par conséquent, beaucoup de choses font penser aujourd'hui à l'interférence qu'il y a entre le microbiote et à l'influence qu'il y a entre le microbiote et la prise de poids. Qu'est-ce que vous pensez de cette métaphore qui résume un petit peu ce qu'on a dit, mais est-elle abusive, est-elle forcée, est-elle exacte? Certains ont dit le microbiote, notre deuxième cerveau. Oui, alors, on en parlait tout à l'heure à propos du comportement. Je ne sais pas jusqu'où il faut étendre la notion du cerveau, c'est-à-dire sous sa forme de mémoire, directivité, etc. Il est certain que le microbiote aujourd'hui a tellement de fonctions qui nous semblent être extraordinairement pertinentes pour la survie de l'espèce. On ne peut pas vivre sans microbiote et en même temps interférer avec un certain nombre de pathologies qu'il faut mettre un poids, mettre un appui et insister sur leur importance. Et puis dans cette vision peut-être assez philosophique et importante du soi et du non-soi, qu'est-ce qui est soi et non-soi, et qui a fait pour moi, qui suis un immunologiste, qui a fait toute la problématique de l'immunologie, on sait aujourd'hui qu'en réalité, et on va peut-être parler de sociologie finalement microbienne, on sait qu'aujourd'hui ce qui fait la différence n'est pas le soi et le non-soi, mais la notion de danger. On peut tolérer n'importe qui s'il n'est pas dangereux. Et c'est le danger qui, en fait, régule et règle les défenses immunitaires et qui fait qu'on attaque. Pour conclure, vous avez dans l'interrogation de quid de l'identité biologique de l'homme, en particulier, un certain nombre de formules. Vous dites que l'identité personnelle devient complètement modifiée, on en a dit quelques mots, mais vous avez ce terme, un chimérisme provoqué par les bactéries en nous, une mosaïque d'altérité, les termes sont très jolis, les microbes sont des constituants de notre identité, et enfin que l'autre peut être un constituant majeur et indispensable de soi. Oui, au fond, si on allait jusqu'à la parabole, on ne peut pas vivre sans l'autre dans cet exemple. Et l'autre, il est là et il vit avec vous parce qu'aussi il vous est utile, il vous est indispensable. Mais en même temps, il faut que nous vivions avec et pour l'autre. Avec et pour l'autre. Ce sera notre conclusion. Merci d'être venu à ce micro, Patrice Debré. Merci d'avoir donnez cet ouvrage, L'homme microbiotique, qui est publié aux éditions Odile Jacob, où on apprend que maintenant l'excrément va être médicament. Et ce beau trajet de la bouche au rectum et tout ce qu'il nous apprend. Merci encore d'être venu. Bonjour, avec Arlette. Merci. Bonjour, Stéphane Olly-Georges. On en apprend des choses, dites-donc, avec vous. Ben écoutez, on en apprend beaucoup avec Patrice Debré, hein, parce que vous savez combien vous avez... je ne sais pas si vous avez eu le temps d'écouter cette émission. Pas complètement. Alors, petite colle, et puis je vous laisse la place. Est-ce que vous savez combien vous avez en vous de bactéries, en termes de poids, de champignons, de virus et de bactéries? Écoutez, dans le nez, dans le nez. Dans le nez, dans vos oreilles, dans la bouche, dans le ventre. Ah, j'espère que ça, c'est seulement microgrammes, mais peut-être davantage. Un kilo et demi. Un kilo et demi. Faut les saluer, elles vous sauvent. Et Escherichia coli, vous en avez plein le nez, des milliards en ce moment-là. Ils vous protègent. Bon, bah, écoutez, je vais lancer le 5 à 7 et puis je vais les moucher de ce pas.